Nouveau départ, fin. Bonjour Lila. Tiens. Salut mon Robinson. Tu vas bien? On fait aller. Et toi? Coussi coussa. On fait un bébé. Tu veux dire un nouveau-né qui deviendra un enfant, puis un adolescent, puis un adulte, puis un vieillard, puis un nom sur une plaque en marbre, puis rien? C'est ça. Mais Malila, c'est dangereux de faire un bébé. Tu imagines ce petit être tout fragile, tout petit, qui peut attraper la moindre maladie, qu'on peut kidnapper, qui peut mourir pendant son sommeil. T'as pas été petit, toi? Je ne sais pas, je ne m'en souviens plus bien. Alors? Mais Lila, la maison n'est pas assez grande. En plus, on ne va pas pouvoir lui donner bien à manger. Et puis, peut-être naîtra-t-il sans bras, sans jambes ou avec des chromosomes en moins. Peut-être. Et puis, quand il sera grand, peut-être aura-t-il un retard de croissance et on sera obligé de lui donner des hormones contaminées. Et peut-être qu'il ne suivra pas bien à l'école et que ce sera la risée de tous ses camarades. Peut-être. Et quand il sera adolescent, peut-être qu'il aura des boutons plein le visage. Peut-être qu'il se droguera et qu'il se rebellera contre nous. Peut-être qu'il passera le permis et alors il mourra peut-être dans un accident de voiture. Ou bien d'overdose. Ou il se radicalisera. Ou il prendra un fusil automatique et il fera un carnage dans une école avant de diriger l'arme contre lui. Peut-être. Quand il sera adulte, peut-être qu'il ne trouvera pas de travail ni de compagne. Peut-être qu'il rentrera dans une déprime tellement terrible qu'il se suicidera. Ou alors il battra sa femme et ses enfants, il attrapera un cancer qui guette des adultes, ou une autre maladie qui peut-être le tuera, ou le laissera handicapé à vie. Peut-être. Quand il sera vieux... Quand il sera vieux, on sera plus là, Miloche. Là, tu marques un point. Alors? Je peux réfléchir? Ok, réfléchis. Moi, je vais creuser. Non, attends, Lila. Alors? J'ai pas bien entendu. C'est d'accord, mais à deux conditions. Je t'écoute. On lui fait plein de petits frères et plein de petites sœurs, comme ça on pourra s'inquiéter en groupe. D'accord. La seconde condition? Oh, on arrête de creuser, on rebouche tout. Marché conclu. On commence par quoi? 8 mois plus tard, il fait jour. Je suis absorbé par le marbre rond et poli du ventre de Lila. Lolek, Danka et leur petit Luna sont à nos côtés. Ils sourient, je le sais, de mon air ahuri, de mes yeux pleins de tendresse, sans cesse au bord de la noyade, qui scrutent le nombril rebondi à la recherche du moindre signe de vie, tandis que, plein d'animation, mes amis discutent avec la future maman. Nous sommes tous les 5 et demi assis sur de tièdes rochers adoucis par les courants, pieds dans l'onde, près du village de Rabot, où la rivière fait un trou d'eau. Aimée plonge un orteil timide, son vieux maillot à rayures remonté jusqu'en dessous des côtes. Des gens s'agitent autour de nous. Nous sommes vendredi.